Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Bonsoir, vous êtes sur FPP avec le comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte, la jungle des luttes, le programme donc de 19h à 20h30, 1h30 ensemble aujourd'hui. Donc on a une première partie, on va découper le programme en deux, on va avoir une partie avec des copains d'Esport Chiapas, donc ils vont nous parler plus précisément de ce qu'est leur association et de leur activité, et on les a invités aujourd'hui tout spécialement le 21 décembre puisqu'on est à la veille de l'anniversaire du massacre d'Acteal dont on a déjà eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises. Donc le 22 décembre au Chiapas, il y a plusieurs des dizaines de personnes qui ont été assassinées, femmes et enfants notamment. Donc on va en parler plus longuement tout à l'heure. Donc justement, on vous invite demain, si vous êtes disponible, à commémorer ce massacre, à se rassembler. Donc je te laisse la parole, Gilles, pour annoncer ce que vous avez préparé demain. Bah oui, bonsoir. Effectivement, Esport Chiapas et le CSPCL ont trouvé intéressant de commémorer ce massacre d'Acteal en organisant une action ou un rassemblement demain à 20h30 entre le boulevard de Clichy et la rue des Martyrs. Donc le rendez-vous est fixé à partir de 20h30. Et l'objectif pour nous, concrètement, ça sera de baptiser une place à Paris du nom du massacre d'Acteal. Donc voilà, si vous avez le temps de vous déplacer, ce serait important donc d'être là, présent à ce rassemblement, pour manifester de toute façon contre toutes les répressions et les groupes de paramilitaires qui sévissent au Chiapas et au Mexique et dans d'autres pays également. Sur la deuxième partie, on parlera peut-être un petit peu plus des activités qui ont été menées dernièrement, et puis en vous donnant aussi des nouvelles de différentes organisations qu'il y a au Mexique ou aux États-Unis dont on vous avait déjà parlé également, et pour revenir sur les projets pour nous, là, le comité en début d'année, et finir avec des petites notes de solidarité, ce qui est important, ce qui a l'air d'être au jour pour nous, toutes les luttes. On fait une petite pause musicale avant de se retrouver avec les copains de Esport Chiapas. Donde el oxígeno ya está ausente, cuidémoslo para nuestra gente. Oh. la tierra está llorando y la tenemos que cuidar. Oye, mi hermano, debemos reaccionar. Nuestra tierra está llorando y la tenemos que salvar. Ay, ay, ay, ay, volen, volen, volen, volen, volen, ay, ay, ay, volen, volen, volen, volen, volen, ay, ay, ay, volen, volen, volen, volen, volen, ay, ay, ay, volen, volen, volen, volen, volen, nuestro abuso irracional de todo recurso natural. Hoy se revierte ante mi gente, cuidémoslo, pues no es suficiente. Repite, nuestro abuso irracional de todo recurso natural. Hoy se revierte ante mi gente, cuidémoslo, pues no es suficiente. Con este planeta, nuestra gente extermina animales inocentes. En este planeta, nuestra gente extermina animales inocentes. Contaminando los mares y los ríos, sin nada dejaremos a nuestros niños. Contaminando los mares y los ríos, sin nada dejaremos a nuestros niños. Ay, ay, ay, volen, volen, volen, volen, volen. Ay, ay, ay, volen, volen, volen, volen, volen. Ay, ay, ay, volen, volen, volen, volen, volen. Avec le peuple du Chiapas en lutte. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des copains d'Espoir Chiapas. Ils vont un peu nous parler de leur association, de comment elle s'est formée, ce qu'ils font. Et donc je vous laisse la parole, Elodie et Gilles. Bonsoir. Rebonsoir. Espoir Chiapas, ça, c'est une assoce qui a vu le jour en 2003 à l'issue d'un voyage de notre très cher président que je souhaite saluer, s'il nous entend, de Saint-Cristobal. Président qui a été à la fois touché par le mode de développement et de résistance qu'il a pu voir sur place au Chiapas, et qui concrètement s'est dit que lui, à sa petite échelle, il devait pouvoir aider ses communautés à développer leur propre voie. Donc, rapidement après son voyage, il a constitué avec quelques amis cette assoc. Je précise que le Chiapas, parce que depuis tout à l'heure je parle du Chiapas, au cas où c'est au Mexique, donc hein, l'extrême sud-est du Mexique, puisque personne, ni moi ni nous, il vaut mieux le préciser. Non. Oui, alors le Chiapas concrètement, c'est effectivement la région la plus au sud du Mexique, qui a la particularité d'être la région la plus riche au niveau matières premières. C'est notamment la région du pétrole, c'est la région du bois, c'est la région des minerais, de l'eau. Concrètement, c'est la région qui apporte près de 50% de l'électricité à l'ensemble de l'État mexicain. Et paradoxe ô combien traditionnel, j'aurais tendance à dire, c'est également la région qui accueille les Mexicains les plus pauvres. Une région fortement aussi indigène, puisque le sud du Mexique est beaucoup plus indien que le nord, justement. Tout à fait. Donc notre copain est revenu du Chiapas et a constitué un début d'association pour venir en aide avec ses petits moyens à ses communautés, et notamment la communauté des Aberras. C'est une société civile qui est constituée de différentes communautés, et l'idée pour lui, ça a été de soutenir avant tout la communauté de la coopérative, pardon, de santé. Et je continue, on avait juste un petit problème technique avec les micros, mais je pense qu'on va le laisser tel quel. Donc l'idée depuis 2003, c'est que Espoir Chiapas a pris un envol relativement intéressant. C'est que de quelques bonnes volontés, on est passé à aujourd'hui près de 50 membres actifs, que ce soit sur Paris, sur Lille, sur Toulouse également. Et depuis maintenant un an, on a constitué une cellule à San Cristobal de las Casas, au cœur même du Chiapas et de la problématique qui nous intéresse, avec aujourd'hui près de 4 personnes qui vivent depuis maintenant une petite année sur place. Des personnes qui étaient ici sur Paris ou qui... Exactement, qu'on choisit l'exil et la lutte sur place. Et tu voulais... Oui, bonsoir Elodie, je vous souhaite une bonne soirée à tous sur Fréquence Paris Pluriel. Alors je suis aussi d'Espoir Chiapas et je voudrais juste rajouter à la suite de tout ce que Gilles vous a présenté déjà sur l'association, qu'actuellement nous sommes en train de... Au niveau de la cellule de San Cristobal, en fait, je voulais vous donner quelques infos. Ils sont en train de préparer un projet d'une revue qu'ils voudraient éditer à peu près tous les 15 jours et de façon à la distribuer autant aux personnes qui circulent dans les Chiapas, autant au niveau des touristes, que toutes les personnes qui vivent sur place et qui sont concernées par les luttes. Et dans cette revue, ils éditeraient les communiqués des différentes communautés de la région de Chiapas. Et leur objectif étant de la traduire en Tzotzil et en Tzotzil pour pouvoir la distribuer directement dans les communautés. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur l'actualité de la cellule San Cristobal. Oui, parce que je pense que vous pouvez peut-être spécifier votre travail, c'est-à-dire ce que vous faites exactement, puisque tu as parlé des abejas, mais il faut peut-être un petit peu expliquer pourquoi les abejas, d'où ça vient. Pourquoi les communautés, les communiqués de communautés, sachant que nous, en tant que comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on est effectivement très souvent, un comité de solidarité avec les apatistes, donc un comité qui ne dit pas son nom directement, mais essentiellement avec les apatistes. Par contre, on est proche de toutes les luttes qui se sont menées au Mexique. On n'est pas, on est surtout en train d'appuyer, nous, des luttes politiques. Et donc des mouvements d'organisation en général autonomes. Souvent, ça concerne donc des communautés indigènes, puisque au Mexique, elles sont très organisées. Au Chiapas, je spécifiais, donc justement, il y avait beaucoup d'indigènes au Chiapas. Ce sont donc des communautés organisées, donc pas forcément sur un rythme, sur les coutumes et rites traditionnels, mais des communautés qui sont ouvertes. Progressistes, entre guillemets, qui donc développent des projets d'autonomie par rapport à la culture, l'éducation, la production, la santé, etc. Donc en fait, je pense que nous, le comité de Chiapas, on a un œil pointé sur les communautés zapatistes avec un regard politique. Vous avez peut-être une activité qui n'est pas forcément centrée sur la question des zapatistes, sachant que les communautés zapatistes sont en relation avec les autres communautés indigènes et pas en conflit, contrairement à ce que voudrait faire le gouvernement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on l'a répété déjà plusieurs fois à l'antenne, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, on le sait bien que dans tous les pays, en général, les gouvernements ont pour stratégie de diviser les communautés, d'introduire des projets pour créer la division au sein d'une même communauté ou bien les monter les unes contre les autres. Et donc les apatistes ont toujours évité de tomber dans le piège. Il y a eu pourtant pas mal de pression. Donc les abejas, ce ne sont pas des apatistes, c'est des communautés qui sont qui partagent des mêmes territoires et qui sont en relation plus ou moins proches selon les périodes et puis avec des affinités en tous les cas sur un certain nombre de projets. Effectivement, oui, les abejas sont en relation avec les apatistes, soutiennent les mêmes. Propositions, ouais. Engagements. Ils se sont constitués en société civile en 1992. Ils regroupaient à l'époque une vingtaine de communautés. Ils en regroupent 44 maintenant. Et comme tu disais, ils vivent avec les apatistes. De toute façon, dans ces communautés, on retrouve autant des apatistes que des paramilitaires qui peuvent se côtoyer sur des mêmes territoires, malheureusement, que des personnes des abejas. Et les abejas, c'est la société civile qu'Espoir Chiapas a pu, on va dire, soutenir, filer un coup de main sur leur projet à eux. Parce que ça fait partie d'un de nos 4 principes. Soutenir des projets qui viennent de la volonté des indigènes propres. On n'arrive pas avec nos grands sabots en disant qu'on est à même de, d'amener notre vision et nos propositions d'occidentaux. On ne considère pas du tout connaître bien le terrain pour ça. Et sur place, ils ont tout à fait les idées, les moyens, la capacité de savoir ce qu'ils ont besoin pour eux. Donc Esport Chiapas, ce qu'on a pu apporter, c'est ponctuellement des aides financières pour débloquer certains de leurs projets de façon à ce qu'ils puissent les mener à bout. Et en particulier, c'est la coopérative de santé des Aberas que nous avons le plus soutenue. On parlait des... parce que l'association donc, s'était formée, donc petit à petit, après un voyage, du copain. Donc maintenant, il est là-bas avec, avec d'autres. Vous êtes par ici. Il y avait quand même quatre principes fondamentaux, je crois, sur, un peu, sur lesquels vous vous retrouvez, si j'ai cru bien comprendre. Enfin, oui, si j'ai bien compris. En termes d'organisation de notre assoce, on essaye d'être... cohérent vis-à-vis des communautés qu'on aide, à savoir qu'on minimise l'ensemble de nos dépenses. Nous sommes bien évidemment tous des bénévoles. Elodie, vous l'a indiqué, on n'arrive pas là-bas avec des projets clés en main, mais on est là en appui, en support aux projets qui sont élaborés par la Saberas. Et concrètement, et c'est un point pour moi crucial, on refuse toute forme de subvention, qu'elle soit publique ou privée, au même titre que la Saberas ou les Abatis. D'ailleurs, on refuse de rentrer dans quelques négociations vis-à-vis des institutions qui pourraient subventionner une partie de notre action, si ce n'est qu'on s'y refuse politiquement. Et donc, s'il y a des gens qui étaient intéressés pour vous rencontrer... Il y a un site, vous vous réunissez, il y a déjà le rendez-vous de demain, on le rappelle, puisqu'on y reviendra encore un peu plus en détail tout à l'heure, mais donc à 20h30, au bas de la rue des Martyrs, il y a un rassemblement pour commémorer le 12e anniversaire du massacre d'Acteal. Mais sinon, on vous rencontre, vous avez une adresse, Vous nous rencontrez effectivement demain, entre le boulevard de Clichy et la rue des Martyrs. On essaye de tenir des réunions hebdomadaires, rythme qu'on s'acharne à tenir dans des lieux qui ne sont pas forcément formalisés. Généralement, on se réunit dans des petits bars de quartier pour monter les actions qu'on souhaite mener. On a bien évidemment un site et une adresse sur lequel vous pouvez nous joindre. C'est donc espoirchiapas@msn.com. Je répète, espoirchiapas en un seul mot, @msn.com. Et le site internet, c'est tout simplement www.espoirchiapas.com. Donc on va peut-être faire une petite pause musicale avant de continuer toujours avec les copains d'Espoir Chiapas. Tamales, tamales, Bonsoir, vous êtes toujours avec le CSPCL, la jungle des luttes. On est avec les copains des Sports Chiapas qui nous parlent de leur association, de leur histoire. On en est peut-être maintenant au vif du sujet. Sports Chiapas, alors, il y a déjà quelques années que ça existe et vous avez aidé à développer des projets, donc des projets propres aux communautés. Donc vous vous proposez de les aider. Vous avez participé à quel type de projet ? Alors principalement, c'est des projets qui sont menés par la coopérative de santé de la Saberas. Donc cette coopérative de santé est constituée de promoteurs. Alors les promoteurs, ce sont des soignants qui ont un niveau entre médecins et infirmiers, comme eux-mêmes le revendiquent. Ils sont tous bénévoles. Ils vivent au sein même des communautés qui constituent la Saberas. Et leur but étant de pouvoir soigner... toutes les personnes qui y vivent, avec évidemment leurs moyens propres, tout ça évidemment bénévolement, comme je vous disais. Donc ça va être certaines fois au détriment du travail de leur terre, ne serait-ce que pour nourrir leur famille. Donc à ce niveau-là, Sports Chiapas, on a pu les soutenir la coopérative de santé. Au départ, ça a été sur la construction de maisons de santé. Donc en fait, il y a combien de communautés, plus ou moins, combien de personnes dans la Saberas ? Il y a 44 communautés qui composent la Saberas et ça représente plusieurs milliers de personnes. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien. Oui, parce que de toute façon, d'une communauté à l'autre, ça peut varier de 200 à 500 000 personnes peut-être. C'est à peu près ça, oui. À l'heure actuelle, il y a à peu près une maison de santé dans chacune des communautés. Sports Chiapas, depuis 2005, on a pu en financer, on en est à 4, 3 maintenant, merci Phil. Alors en plus de la construction de cette maison de santé, c'est le matériel médical aussi nécessaire qui a été apporté. Le deuxième volet de soutien pour cette coopérative de santé qui s'appelle OCKPIAGE, ça a été surtout un soutien aux promoteurs même, en sachant qu'étant bénévoles, lorsqu'ils avaient besoin de transférer un malade à l'hôpital, par exemple d'Altamirano ou de San Cristobal, tous les frais de bouche, les frais de déplacement étaient de leur poche. Donc pendant un an et demi, Sports Chiapas a financé ces déplacements de façon à éviter, je vais même utiliser le terme d'hémorragie, parce qu'il y avait de plus en plus de promoteurs qui arrêtaient cette fonction de bénévole parce qu'ils ne pouvaient pas la continuer étant donné qu'ils en étaient de leurs frais personnels. Donc à partir du moment où Sports Chiapas les a aidés financièrement, des promoteurs sont revenus. Donc là, quand tu parles des promoteurs, tu parles des promoteurs de ces quatre maisons de santé ou des promoteurs de toutes les Saberas. En fait, la coopérative de santé au OCKPIAGE s'occupe de tous les promoteurs de toutes les Saberas. Ok, donc vous avez aidé à financer quatre maisons, mais vous aidez tous les promoteurs. Exactement. Et qui ne tournent pas, eux, parce que chez les apatistes, justement, pour éviter la surcharge... la surcharge de travail ou pour éviter la lourdeur de la charge en tant que promoteur, en général, ce sont donc des fonctions qui tournent et ils se relaient. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des Saberas, si tu es promoteur et a priori tu es promoteur tout au long de ta vie, plus ou moins c'est un peu le principe où ils ont imaginé que ça pouvait tourner. Alors à l'heure actuelle, il ne tourne pas. Par contre, ils sont promoteurs sur plusieurs années. Et c'est assez variable d'une personne à l'autre. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de commencer un nouveau cycle de formation de promoteurs. Ça, c'est quelque chose aussi que Sports Chiapas a pu financer, c'est cette formation. Ils ne fonctionnent pas, comme tu expliques, pour les apatistes, avec ce système de roulement. Tout simplement parce qu'ils ont besoin, comme ils disent eux-mêmes, d'abord de cette étape de formation. Et se consolider. C'est c'est par volontariat que ça se fait. En sachant qu'à l'heure actuelle, parmi les promoteurs de cette coopérative au OCKPIAGE, il y a 3 formateurs. Ils sont arrivés à un niveau... Un bon niveau pour pouvoir transmettre leur savoir. Donc ils sont vraiment tout le temps dans un objectif d'autonomie et d'autogestion, mis à part qu'à l'heure actuelle, ils n'avaient pas suffisamment de moyens matériels pour être complètement autonomes, mais ça avance. Ça se construit. Ça se construit à grands pas même, avec un dernier grand pas qui a eu lieu il y a quasiment un an, avec un achat d'une ambulance qui leur permet d'être tout à fait autonomes au niveau des transferts des patients, des malades, lorsqu'ils ont besoin de les amener vers l'hôpital de San Cristobal de las Casas. Et donc alors, ça, c'est aussi Espoir Chiapas qui a aidé à financer. Exactement. Alors en plus du financement amené par Espoir Chiapas, il y a une association d'étudiants rennais qui nous avait sollicité et qui ont co-financé cette ambulance. Espérance, non. Il s'appelle Dame la Mano. Ah. J'avais un petit trou de mémoire. En sachant que cette ambulance est efficace à partir du moment où un système de radio a été installé entre toutes les communautés. Oui, pour que ça puisse servir à tous et pas seulement là où elle est garée, évidemment. Exactement. Et les radios ont été installées et financées aussi à cette même période. Ça va faire quasiment un an que tout cela tourne au mieux, d'après les dernières nouvelles que nous avons. Avec effectivement comme objectif final de permettre une véritable autonomie des ABRA sur ce domaine de la santé. De la santé, tout à fait. Et on parle de financement maintenant ou c'était pas le moment? Parlons pognon, c'est ça. Ben c'est ça, parce qu'on parle d'ambulance, des maisons. Oublier que Gilles nous indiquait bien qu'on ne veut pas, Espoir Chiapas, avoir des subventions ni publiques, ni institutionnelles, ni privées. Donc je te laisse nous expliquer comment on fait. Alors comment on fait pour effectivement financer à la fois la formation des promoteurs, la construction des casas de salud, des maisons de santé avec le matériel qui va bien? Comment fait-on également pour mener des campagnes de vaccination qu'on réalise tous les ans dans les communautés? Comment on a fait pour financer l'ambulance et le système radio qui va bien? Concrètement, c'est beaucoup d'huile de coude, c'est beaucoup d'intelligence ou d'envie de faire. Et on passe généralement beaucoup de temps à organiser ce qu'on appelle nous des Chiapastivals. C'est des rassemblements où on organise à la fois des concerts, des conférences, de la vente de produits artisanaux qui viennent de ces communautés et également de la vente de nourriture mexicaine. Donc l'année dernière, nous avons organisé de mémoire 5 Chiapastivals. C'est variable. Donc sur la région parisienne? Sur la région parisienne, effectivement. Avec à la fois des petits Chiapastivals où on accueille, où on reçoit 50 à 60 personnes, ça c'est dans des petits bars de quartier. Nous avons également organisé l'année dernière un grand Chiapastival à l'Abracadabra où nous avons accueilli près de 200 personnes. Donc nos financements proviennent quasi exclusivement de ces Chiapastivals. Ah oui, donc c'est quand même, vous vous débrouillez bien quand même. Vous avez aussi de vous demander aux gens de verser en solidarité ou des choses comme ça. Je dis ça parce que nous, par exemple, en général, on organise des concerts, des rôtisseries, etc. Mais on réussit pas à financer autant de projets que ça. Et par contre, parfois, quand il y a eu, par exemple, l'ouragan qui était passé où il y avait eu des grandes difficultés, on avait profité de notre réseau pour faire des appels à dons. Donc je sais pas si on fait un peu comme toutes les assos, on fait des appels à des dons également par le biais de nos propres réseaux. On a également vendu l'année dernière un agenda que nous avions créé avec notamment les photos d'un... Un calendrier effectivement qu'on a élaboré à l'aide des photos de Sam, donc un copain de la SOS qui a vécu près de 6 mois sur place et qui est revenu avec des photos qui sont magiques. Je pèse mes mots. Donc là, 2010, il y a de nouveau un calendrier ou... Non, le calendrier n'est pas du tout en cours. Et vu la période de l'année, ça va être un petit peu trop tard. Par contre, je rebondis sur Sam et son expo et ses photos, parce que Sam nous a conçu une expo photo et dernièrement une deuxième qui nous sert de support assez... assez magique, on peut dire, et intéressant autant au moment des chapassivals que lorsqu'on a besoin de faire des rencontres pour on essayer de sensibiliser sur ce qui se passe au chapas. Donc là, tant qu'on y est, vous avez une date prochaine pour un chapastival ou pas encore ou pas vraiment aussi? Oui, le prochain programmé, ce sera le 20 février à Magnanville. Cette fois-ci, Magnanville, c'est à peu près à une heure de Paris. On s'éloigne un peu de Paris cette fois-ci grâce à Carole qui a monté une cellule d'Esport Chapas à côté de Mangla Jolie. D'accord, bah alors on fait une petite pause musicale puis on revient sur les activités d'Esport Chapas dans quelques instants. No sono contento né un giorno tampoco. La verità è c'è storia e un racconto. Chi le sa giovane di cui spara un motivo e clam. Tanta pensa l'imperi del terro e la por. Giù una spurra da llum, par pensa la fusco. Giù una spurra da llum, par pensa la fusco. Balla si fonda scannon attura troppa sta infamia e umiliazione o mazzi donna sa mezza 50 origen si fare tutto per forza sotto la frase del no passare. El novembre de l'any 38 de Tarol a Belchit de Caram en front d'Aragó i a vora de l'Ebre que hi van deixar la pell tots aprenents per una futura guerra mundial. Bonsoir, vous êtes toujours sur FPP avec La Jungle des Luttes, donc le programme du CSPCL, tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30. On est retransmis dans la semaine, il me semble, le jeudi matin. Il y a longtemps que je n'étais pas avec vous, je reprends mes marques dans notre nouveau studio, rue de la Solidarité. Donc on a des beaux nouveaux locaux, mais bon, on se refait sa petite place. Donc on est toujours avec les copains d'Espoir Chiapas, qui est donc une association qui essaye d'aider des communautés du Chiapas, hein, comme son nom l'indique. Donc pas spécialement justement zapatistes, mais des gens qui justement travaillent à développer l'autonomie. Donc il y avait le gros bloc projet santé. Il y a aussi d'autres petits projets que vous aidez à mettre en place ou d'autres actions que vous menez. D'autres actions, oui, en particulier sur toujours aux Aberas. C'est une coopérative de femmes qui s'appelle Mayan Tsetik, qui veut dire les femmes mayas, qui est une coopérative en fait de femmes artisanes qui font autant de la broderie que des confections de bijoux. Voilà, ce sont leurs. Donc justement, vous parliez que dans les Chiapas festivals, vous vendiez donc justement de cet artisanat. Et il n'y a qu'à ces moments-là qu'on peut trouver cet artisanat. Je dis ça puisque nous, on a aussi de temps en temps des stands d'artisanat, de vente d'artisanat. Mais donc vous, on peut vous trouver qu'à ce moment-là, c'est ça ? Exactement. À l'heure actuelle, oui, c'est les moments où on... Vous proposez les produits. Donc ouais. Le 20 février. Donc le 20 février. On le rappelle, exactement. On en profite. Après, c'est tout à fait possible de nous contacter par notre adresse mail et puis d'essayer de nous joindre soit lors de une de nos réunions hebdomadaires qui a lieu le jeudi soir. Et c'est tout à fait possible de monter un stand d'artisanat pendant la réunion. On reste les gens extrêmement sont intéressés. Donc vous les appuyez en vendant les produits ou aussi formant ou en non. Au niveau de la formation, on s'implique pas du tout parce qu'elles-mêmes sont tout à fait à même de le faire et tout à fait autonomes pour ça. Non seulement en leur achetant leurs produits et en les revendant en France. Voilà. En sachant que cette coopérative, dans les dernières nouvelles que nous avons eues, est en train de peaufiner leur organisation de façon à avoir vraiment d'autres possibilités pour et vendre leur artisanat et surtout... Au niveau de leur organisation propre, il y ait en plus de l'autonomie, une solidarité plus importante entre les femmes. Et donc voilà, ça, cette coopérative compte des femmes de toutes les communautés ou c'est restreint à quelques-unes des communautés ? De toutes les communautés qui font partie des Aberas. En sachant qu'à l'heure actuelle, elles ont un point de vente qui se trouve à Acteal même, une boutique qu'elles n'ouvrent quasiment que chaque 22 de chaque mois. Symboliquement. Très symboliquement, exactement. Puisque donc on rappelle que les Aberas, ça a été ça fait partie des communautés qui ont donc souffert le massacre d'Acteal, dont on fête le 12e anniversaire, donc demain le 22 décembre. C'est un peu ce qui nous réunit ce soir. Donc on s'est un petit peu étendu, mais je pense que c'est bien de parler d'associations qui finalement n'ont pas forcément de local comme vous et qui réussissent à faire plein de choses. Donc c'était merci d'être là, mais on va continuer avec les autres petits projets. Il y a d'autres petites choses à raconter ou sur le gros des projets, on est... Sur le gros des projets, c'est bon. Vraiment le soutien à la communauté Las Aberas. Après, il y a eu des aides ponctuelles par d'événements qu'on a fait transiter jusqu'au Chiapas, qu'on a pu amener soit une auberge de migrants qui se trouve dans le sud du Chiapas et qui accueille des personnes qui sont venant de toute l'Amérique et centrale ou du sud et qui sont en voie de transit. Voilà, puisque le Chiapas est la dernière frontière avant d'arriver à celle qui mène aux États-Unis, donc justement avec un territoire où justement transitent beaucoup de migrants du sud vers le nord. Exactement. Donc là, ça a été des aides ponctuelles. Et d'ailleurs, ces vêtements, on a pu aussi en donner dernièrement. C'était au mois de novembre à San Cristobal même, à l'organisation L'OCES. L'OCES qui faisait un planton, comment on dit ça ? Excusez-moi, un planton, c'est le mot espagnol qui me vient. Un planton devant la cathédrale en soutien à leur leader qui avait été incarcéré, qui depuis a été libéré, mais il y a d'autres revendications de ce syndicat de paysans en lutte. Et nous leur avions confié quelques vêtements et donné quelques vêtements parce qu'il est vrai que les nuits à Centriste au bal sont beaucoup plus fraîches que de la région où ils viennent. Et donc, tu voulais dire quelque chose, Gilles, pour reprendre, non ? Bah oui, rappelez pour la troisième ou quatrième fois qu'on vous attend nombreux demain à 20h30 au niveau du carrefour du boulevard de Clichy et de la rue des Martyrs pour baptiser avec nous symboliquement une place à Paris qui portera le nom de la place des Martyrs d'Acteal. Donc justement, je préciserais que donc il y a eu un massacre il y a 12 ans où il y a 47 femmes et enfants qui ont été assassinés, les maisons brûlées. Il y a eu une grande indignation, il y a eu des procédures, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. Et en fait, tous les ans, nous, en général, on relève cet anniversaire. Là, cette année, on peut peut-être insister sur le fait que, justement, il y a eu 30 des paramilitaires qui avaient été arrêtés, qui ont été libérés, donc très récemment, il y a quelques semaines. Donc justement, en prétextant qu'a priori les preuves avaient été fabriquées par la justice elle-même, et donc ces personnes-là sont libérées, certaines étaient interdites de séjour sur les territoires justement qui avaient été touchés par le massacre. Mais donc finalement, apparemment, certains tentent de revenir, sans doute de récupérer leurs terres. Enfin, il y a une situation relativement complexe et difficile. Donc pour les gens qui sont, eux, les gens qui avaient été touchés par le massacre, à eux avaient quitté leurs terres, sont revenus quelques années plus tard sur leur territoire pour refonder la vie, si on peut dire. Et donc là, ils sont de nouveau dans une étape un petit peu délicate. Vous avez envie de dire quelque chose là-dessus ? Oui, tout simplement rajouter que ces paramilitaires qui ont été libérés autant au mois d'août qu'au mois de novembre, ça a été c'est quelque chose vraiment à dénoncer parce que c'est d'une injustice extrême et les Aberas, tous les 22 de chaque mois, ont dénoncé ce massacre et là appuient d'autant plus que pour eux, la justice n'est toujours pas rendue et que ce massacre demeure réellement impuni. Et il est vrai que les tensions et les craintes grimpent dans cette région-là, et en particulier, comme tu as expliqué, du fait que les paramilitaires, certains sont en train de regagner leur terre, et donc les terres à côté des personnes qui ont été massacrées, ou du moins de leur famille et des survivants qu'il en reste. Et d'ailleurs, moi, j'ai lu un article, je ne sais plus bien lequel, enfin, je l'ai trouvé sur Internet, et donc il y avait les Aberras qui expliquaient, donc, comme les apatistes, ils luttaient pour l'autonomie, démocratie, liberté, etc., en refondant des termes de démocratie, puisque ce n'est pas celle d'aujourd'hui, qu'on connaît, démocratie parlementaire, etc. Donc, ils resituaient un petit peu la situation, donc en dénonçant effectivement la situation avec ces paramilitaires libérés. Elle racontait également, enfin, cette personne racontait également que, ou ce groupe d'ailleurs, enfin, ceux qui écrivaient le texte, expliquait que ça continue donc depuis toujours, depuis qu'on connaît les apatistes. En tous les cas, nous on sait que l'une des stratégies c'est de diviser les communautés à l'intérieur même d'une communauté, diviser les gens dans les communautés. Et donc là, il y a apparemment le gouverneur qui est venu distribuer des vélos, des petits poulets, des petites choses dans les communautés, ce qui crée donc du coup justement par rapport à l'autonomie, toujours une intrusion comme ça des institutions, de l'argent, du pouvoir, des politiques, ce qu'on connaît, hein, nous, quand on parle des apatistes et puis d'autres mouvements sociaux, d'organisations sociales qui luttent au Mexique, ou en général, justement, pour rompre un petit peu ces dynamiques de lutte et autonome, c'est effectivement de venir distribuer et de créer l'envie et de créer aussi le désengagement, entre guillemets, par rapport à des organisations sociales. Donc, il y avait cette dénonciation. Donc, en fait, ils sont un petit peu pris dans un étau, comme beaucoup de communautés en lutte, puisque il y en a beaucoup au Mexique qui vivent ce genre de situation. D'ailleurs, dernièrement, c'était au mois de novembre ou d'octobre, si je ne me trompe, il y a eu une proposition du gouvernement de venir à Acteal, ce qui a été refusé par la Mesa Directiva d'Acteal. Mais je me demandais si justement ils ne s'étaient pas déplacés. Parce que dans ce que j'avais lu là dans l'article, apparemment, elle racontait que la femme du gouverneur venait avec 7 petits poulets pour chaque famille, etc. Donc, Donc ça a eu lieu ou quoi ? Alors, des infos que j'ai, ça n'a pas eu lieu. Par contre, il y a eu des contestations par rapport au fait... À la proposition de venir distribuer des cadeaux pour un petit peu mieux tenir les jambes. Et j'avais en tous les cas, moi, retenu dans ce texte que j'avais lu, que justement, il disait quelque chose qui, je trouve, ressemble bien à ce que peuvent dire les apatistes et aussi le monde indigène en général. C'est justement, il parlait de lutte, du fait qu'il fallait résister contre les stratégies des gouvernements et contre ces paramilitaires qui tentent de se réintroduire. Et donc, il disait qu'il fallait préparer leur cœur et que donc, pour la voie pacifique, il fallait impliquer le cœur qui était là et qu'il s'agit pas, enfin, et qu'il faut avoir du cœur aussi pour tenir sur le chemin de la résistance. Vous avez encore quelque chose à rajouter ? On fait une petite pause musicale et puis on rajoute ce qu'on a oublié de dire. Petite pause. À tout de suite. Minutes ensemble à peine, donc on va finir avec les copains d'Espoir Chiapas qui donc soutiennent les communautés et qui donc demain organisent un rassemblement. Je t'écoute. Donc un rassemblement pour la dernière fois qui aura lieu demain à partir de 20h30 entre le boulevard de Clichy et la rue des Martyrs, donc métro, station de métro pardon, Pigalle, avec deux objectifs pour nous, hein, commémorer donc le massacre de 45 victimes innocentes massacrées par des paramilitaires, mais en parallèle également dénoncer la guerre de basse intensité qui sévit toujours et encore au Chiapas et qui tend aujourd'hui à aller malheureusement crescendo avec, tu l'avais indiqué, cette stratégie ancestrale de diviser pour mieux régner, notamment en réimplantant des paramilitaires à proximité immédiate des communautés autonomes, mais également en emprisonnant, en enlevant, en assassinant un certain nombre de leaders de ces communautés. Depuis maintenant une année, la situation tend à très très largement empirer. Donc ce sera l'occasion pour nous demain soir de dénoncer vivement et fortement ces dérives répressives. Oui, c'est tu, Élodie. Non, c'est... Je te laisse le micro. Non, oui, c'est, je pense que c'est vrai qu'on peut peut-être avoir l'impression de se répéter très souvent sur ce programme, puisque effectivement, notre nom, c'est La Jungle des Luttes. On est quand même largement tourné sur le Mexique, il est vrai. Néanmoins, on rencontre des luttes d'un peu partout. L'une des caractéristiques, on le sait, voilà, c'est la répression des mouvements sociaux, l'emprisonnement, etc. Donc sur la question des prisonniers politiques, ou bien en tous les cas de la définition des gens qui luttent comme des terroristes, etc. On connaît ça aussi en France. Il y a des petites histoires, même si on ne connaît pas toutes les histoires, mais il y a sûrement des choses qui viennent à nos oreilles tout de suite en tête aussi. Et donc, on vous a souvent parlé d'Atenco, d'ailleurs, donc, qui étaient des communautés qui avaient résisté au projet d'un aéroport international. Donc, en 2001, ils ont eu raison de l'État à ce moment-là, en 2002. Donc, depuis, ils ont continué à lutter. On a eu l'occasion de vous en parler plusieurs fois, puisqu'ils ont adhéré au projet zapatiste de l'autre campagne en 2005-2006. Et donc là, il y a eu une forte répression en 2006. Plusieurs dizaines, centaines de prisonniers. Rapidement, plusieurs sont libérés. Puis 30 restent en prison plus d'un an. Enfin, plus de 47 même restent plus d'un an en prison. Il y a eu plusieurs libérations. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que quelques prisonniers, plus que trois, avec des années de prison, autant dire à vie, puisqu'on est à 112 années de prison pour Ignacio del Valle, qui est donc le leader du Front des Peuples en Défense de la Terre, qui est donc le nom de l'organisation des communes d'Atenco. Et donc, Atenco, on les a reçus ici souvent, enfin, des membres d'Atenco et du FPDT ont été reçus ici plusieurs fois. Et là, dernièrement, ils ont organisé un festival au mois de décembre, un festival Atenco Résiste, qui a donc fini par une fête en lieu même de la ville d'Atenco, mais qui auparavant avait commencé avec une visite des 12 prisonniers, et 12 États ont été visités. Et donc il y a eu 119 organisations qui sont allées à la rencontre de ces prisonniers. Ils ont eu l'occasion, ils ont eu 93 événements, donc manifestations, marches, réunions, ateliers, débats, conférences, interview pour la radio, etc. Donc voilà, on est tout cœur avec les gens d'Atenco. S'il y a des gens qui veulent leur apporter du soutien, vous pouvez toujours passer donc par le CSPCL qui est en relation directe. Donc on se réunit tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles. Et donc ça, c'est pour ceux d'Atenco. Mais évidemment, donc, comme on le disait, au Mexique, il y a énormément de luttes. On avait eu l'occasion, peut-être, je n'étais pas là depuis plusieurs mois, mais on a peut-être eu l'occasion de vous parler de la récupération des terres qui avaient été spoliées dans les années 60 à des communautés. Et donc, au mois d'août, il y a 3000 habitants de trois villages qui ont donc participé à la récupération de ces terres et qui donc, eux, rappellent que c'est effectivement important de se mobiliser justement pour pouvoir développer pour mettre en avant notre capacité à pouvoir résister justement à l'extension de la propriété et des pouvoirs capitalistes, etc., et des projets néolibéraux et qui sont toujours plus destructeurs. Et donc sur Santa Maria Ostula, donc on rappelle qu'il y a des paysans qui ont été assassinés, et ces gens-là donc mettent en avant justement la question de la terre-mère qui représente pour eux le principal ciment, et en outre d'une cohésion sociale basée sur une solidarité. Je pense que là, c'est pour ça que je parlais de solidarité, parce que je pense que Atenco, avec son festival, essaye de chercher de l'appui pour justement réussir à faire tenir ces mecs qui sont emprisonnés et qui se demandent s'ils vont pouvoir en sortir un jour vivant, sans compter que ceux qui ont été libérés ont encore des charges qui pèsent sur eux, dont on sait que les charges ont été là pour le coup fabriquées de toutes pièces. Donc dans le cas des paramilitaires d'Acteal, ils sont libérés, a priori c'est la justice qui fournit des pièces, et donc ça c'est l'erreur, la justice serait celle qui aurait commis une erreur. Bon, là on est au Mexique dans des situations quand même assez tendues au niveau de la justice, et donc je vous signalais donc le cas des paysans, des membres de la communauté Nahua, qui sont donc dans l'état du Michoacán. Donc c'est pas du tout la région du sud-est du Mexique, hein, c'est un peu plus, enfin c'est centre-nord plutôt, enfin centre-ouest-nord. pour ceux qui ont la carte devant les yeux et regardent l'état du Michoacán. Et donc il y avait un appel, il y a un copain du sud de Toulouse qui a envoyé un papier justement et qui demandait éventuellement aux gens s'ils veulent apporter une aide financière aux trésoriers communaux donc de cette région de Santa Maria Ostula. Donc c'est pareil, vous pouvez éventuellement si vous avez des dons à faire, si vous avez envie d'aider ces gens qui récupèrent des terres pour pouvoir les cultiver, et puis pour un indigène ça va au-delà de la reproduction, et je pense qu'on n'a pas besoin d'être indigène pour penser que la terre doit être porteuse autrement que de la nourriture qu'on peut lui produire. Je vais en parler tout à l'heure, puisque justement on a au mois de décembre organisé une réunion sur terre et territoire. Je voulais juste aussi vous rappeler l'existence de on en a parlé, ils ont déjà été invités aussi à l'émission de FPP avec nous, c'est-à-dire c'est le Movimiento por Justicia del Barrio, the Movement for Justice en el Barrio. Ils ont plusieurs noms, enfin c'est Mouvement pour la Justice dans le quartier ou du quartier, c'est dans l'est d'Harlem à New York. Donc ce sont des gens qui sont organisés en décembre 2004, donc ils fêtent aujourd'hui leur 5e anniversaire. Et donc, on les salue puisque c'est leur 5e anniversaire, et on se rappelle aussi qu'il y a des luttes qui gagnent. Hein, donc, eux ont réussi à gagner contre leur compagnie multinationale dont le siège était en Angleterre. Donc, ils avaient organisé, ils étaient menacés d'expulsion. Donc, ils se sont organisés par immeuble dans ce quartier de Harlem. Ils ont organisé des réunions avec différentes organisations de New York pour lutter contre l'expulsion. Ils ont organisé une tournée en Europe, donc c'est à cette occasion qu'on avait eu le copain qui était là parmi nous, donc pour justement nous sensibiliser et puis justement faire pression là où sont les pouvoirs, donc en l'occurrence c'était à Londres. Et donc ils ont eu raison de cette multinationale. Reste qu'aujourd'hui, le projet d'expulsion est abandonné, l'augmentation du loyer par 10 également. Il reste quand même à affronter des questions financières. Donc, ils ne demandent pas d'aide financière, hein, eux, mais c'était en tous les cas, s'il y en a qui ont l'occasion d'aller à New York, n'oubliez pas d'aller rendre visite dans l'est d'Harlem à Movimiento por Justicia en el Barrio. Et on fait une petite pause musicale et puis je vous reparlerai plus tard de ce qu'on a organisé au mois de décembre et de ce qu'on prépare au mois de janvier. Merci à tous. À tout de suite. when they threw them in trucks. Some children were kneeling, the saints were all calm. Chippers and gunshots reveal all the blood. Oh, great cave of smoke, oh, children of stones. What beautiful birth, so short is your road. Hoping for justice, but will there be goodness when men kill their own? Our wise people say that the mouth of the earth has swallowed a fruit, but the eagle and snake will stand for the truth. When the mother of corn has spoken, dernière partie de notre émission La Jungle des Luttes, donc avec le comité de solidarité avec le peuple du Chiapas en lutte. On avait les copains des sports Chiapas, ils referont une petite intervention en fin d'émission. Moi je voulais vous parler de ce que le comité de solidarité a organisé le 5 et 6 décembre. On n'a peut-être pas eu l'occasion de vous en parler parce qu'il y a pas mal d'émissions qu'on sautait vu qu'on est là qu'une fois par mois. Et puis avec notre changement de locaux, là, comme vous le savez, ça a été un peu perturbé la programmation. Et donc le 5 et 6 décembre, on a eu l'idée de préparer une rencontre sur une thématique terre et territoire, ce qui est un peu une thématique à laquelle on est confronté quand on est solidaire avec les apatistes ou comme échange Espoir Chiapas justement avec les communautés, la question du territoire, de la terre, donc pas seulement la question de la terre, comme on le disait, production agricole, pas seulement non plus comme la terre-mère dans une vision indigène, mais aussi la question donc de la terre comme territoire, comme espace. Donc on a pas mal bataillé à l'intérieur du comité en se disant qu'est-ce que c'est un territoire, pourquoi dire espace, territoire, étatique, les frontières, comment. Donc Ce qu'on a conclu en tous les cas, c'était qu'il fallait créer des rencontres en tous les cas pour avancer et pas rester toujours sur de la rhétorique, ce qui est assez compliqué quand on est finalement dans des luttes urbaines et que la terre et le territoire, ça semble être une thématique très loin de nous. Je pense qu'on parle plutôt d'espace urbain, espace de lutte, lieu autonome, occupation, etc. Donc bon, nous, dans Terre et Territoire, c'était un peu tout ce qu'on avait envie de discuter et en tous les cas de convoquer les gens à se rencontrer pour parler de ça. Et donc moi, j'ai assisté qu'à une de ces journées, que le dimanche, malheureusement, je ne pouvais pas être là à la première journée. Donc je vais pas parler de la première journée hein, puisque j'y étais pas. On a organisé donc des réunions le samedi dans la journée et le dimanche, et le soir fait des concerts. Donc on a fait des concerts le soir pour le côté festif, et puis aussi pour récolter des sous, évidemment pour appuyer des projets des communautés, et aussi organiser la rencontre qu'on prépare donc au mois de janvier, qui est le 16 et 17 janvier, donc à Montreuil. Et en fait, c'est cette rencontre qu'on organise au mois de janvier, qui est donc la rencontre de tous les collectifs, on pourrait dire, pour faire court, collectifs apathies, c'est-à-dire il y a des organisations, il y a des collectifs, il y a des associations, chacun ayant des formes un petit peu différentes selon les pays. Donc on se rencontre avec, c'est maintenant la troisième rencontre européenne qu'on fait. Il y a eu une rencontre en Grèce qui a eu lieu... il y a un an et demi, et puis il y a eu une rencontre à Marseille cette année au mois de mai. Et donc là, on organise à Paris, plus précisément à Montreuil, cette rencontre des collectifs. Donc c'est un peu pour essayer de coordonner notre activité, essayer aussi de discuter quelle forme de solidarité, puisque les choses bougent sur le terrain, les choses bougent chez nous aussi. Les collectifs s'organisent, se désorganisent, se font, se redéfont. Il y en a qui tiennent. Donc nous, le comité de solidarité, on est toujours un petit peu dans cette même logique, mais on pense qu'il faut aussi réfléchir. Enfin, dans cette même logique de solidarité en termes politiques, et on ne fait pas de l'humanitaire, par exemple, etc. C'est des discussions qui sont toujours obligées d'être mises à l'ordre du jour, hein, puisqu'il y a des situations qui appellent des réflexions, etc. Donc en fait, cette réunion du 15 et 16 nous a poussés à organiser cette réunion du 5 et le 6, puisque en fait, la solidarité avec les apatistes a ses limites. C'est-à-dire que d'abord, les apatistes sont les premiers à avoir demandé à ce que la solidarité soit mutuelle, ce qui signifie donc qu'ils n'attendent pas, et ça depuis toujours. Mais c'est un long processus, c'est un long chemin, c'est des changements de mentalité. Donc ils nous ont demandé de ne pas être solidaires avec eux seulement, c'est-à-dire apporter des sous, parce qu'effectivement ils refusent des projets cousus de toutes pièces, bon, ce qui est assez logique, mais aussi ils refusent que les gens soient seulement dans une solidarité vis-à-vis des apatistes et incapables de pouvoir mener une solidarité au plus proche là, de nous. Donc on a déjà eu des tentatives, nous, en tant que comité, en faisant des réunions qu'on appelait... rencontre de lutte, donc avec des sans-papiers, avec des gens d'arcade, l'époque où justement il y avait des grèves et des mouvements très forts à l'époque de Pizza Hut, arcade, etc. Donc tout ce qui était sur contrat précaire, etc. Donc on a déjà eu ces tentatives de rencontre, on n'a jamais bien su donner suite. Mais on ne se désespère pas, on pense quand même que de toute façon il faut réussir justement à se solidariser et à trouver les formes d'une solidarité mutuelle. Et donc, c'est, voilà, je pense qu'il faut que ça fasse ce chemin. Et l'une des questions sur nous, ici, là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se solidariser avec les luttes. Oui, quoi? Donc, terre, territoire, défendre les territoires, les uns qui tiennent les occupations de plus en plus fragiles, précaires. On est de plus en plus mis à distance malgré les outils de communication, etc. Donc, on a organisé cette réunion le 5 et le 6, appelée Terre et Territoire, en espérant justement leur terre et territoire, en ouvrant, en expliquant que c'était la question des lieux, des espaces de lutte, des occupations qui pouvaient être des occupations type squat, mais, ou des occupations aussi de antennes acédiques à l'époque, c'est-à-dire de façon ponctuelle, occupées pour créer un rapport de force. Donc la question de la terre et du territoire, finalement, plus que la question de la production, c'est qu'est-ce qu'on y construit, et notamment cette question du rapport de force, et de discuter comment on pouvait être ensemble dans ce processus en ayant chacun sa forme et en sachant qu'on n'était peut-être plus à l'heure des grands mouvements internationaux, uniformisés, etc. Donc ça, je crois qu'on en a tous conscience. Et par contre, c'est effectivement difficile de pouvoir avoir des luttes qui cohabitent ou qui se coordonnent et qui finissent par créer quelque chose de fort. Et malgré tout, si on n'est pas soutenu, on est un petit peu tout seul dans nos chaumières et dans nos petits coins. Sans doute parce que justement, il y a des questions peut-être de ligne politique derrière ou peut-être pas politique, mais des visions en tous les cas. Donc voilà, par exemple, Espoir Chiapas fait ces choses. Nous, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas et en lutte, on fait des choses. Là aujourd'hui on se retrouve autour de la table, mais finalement on n'a pas très bien communiqué jusque là. Donc il y a toujours des fondements, hein, des bonnes raisons, etc. Je pense que par contre il faut essayer de s'ouvrir. Donc bon, par exemple pour nous c'est je sais pas si on va dire que c'est important, mais en tous les cas c'est intéressant d'essayer de voir chacun ayant ses options, ses visions, son travail, mais essayer de voir s'il y a pas des moments où on peut mettre en partage et que ça profite à tout le monde et finalement aussi concrètement à ceux à qui c'est dirigé et ceux à quoi c'est voué en tous les cas. Et sur le voilà, donc ça c'est un peu le processus dans lequel on est. Et donc, à cette rencontre-là, le 5 et 6 décembre, ma grande surprise, moi, c'est... Alors, on a fait une plénière le dimanche pour ouvrir la discussion du dimanche. On s'est divisé en deux groupes ensuite pour pouvoir un peu laisser la parole à tout le monde. Et donc là, sur le groupe dans lequel j'étais, c'était assez marquant. Il y avait, à part les gens du comité à cette table, il n'y avait personne de Paris, mais des gens des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de Grenoble, de Nantes... quelqu'un du Canada, quelqu'un des gens de Marseille, des gens de Langomaille, donc qui sont plus dans l'ouest, le sud-ouest. Donc il y avait énormément de gens qui sont venus de province, et donc effectivement peut-être que terre et territoire, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens en France en général, partout, plein d'organisations, et peut-être terre et territoire a peut-être pas trop mobilisé les gens de la région parisienne, parce que c'est peut-être effectivement ce que nous on avait retrouvé dans notre dans nos débats au sein du comité, en fait. Nous, on est plutôt dans les urbains, donc le mot terre antinomique. Oui, alors pas territoire, non, on serait plutôt dans l'espace. Donc je ne sais pas si ça a à voir avec ça ou si on est moins mobilisé à Paris. En tous les cas, terre et territoire, ça a appelé plein de gens de France. C'était assez enrichissant, puisque justement, ces gens qui sont dans des... Alors, on parle des fois de périurbains, etc., enfin de ces gens qui sont à des frontières, dans des limites, et qui, en tous les cas, sont tous sur la question des occupations, des terres, des récupérations, et de la question des projets autonomes, etc. Donc, du coup, il y a cette rencontre, et tu t'aperçois qu'en fait, on a tous les mêmes problématiques. C'est-à-dire, là, Espoir Chiapas en parlait, il ne s'agit pas d'avancer en ayant des subventions, mais en cherchant les propres... des modes propres de fonctionnement. Il y en a d'autres qui vont te dire que quand il s'agit de créer des vrais grands projets, il faut pouvoir avoir des subventions et d'abord consolider un projet, puis ensuite pouvoir s'en défaire. Donc là, mise en question, parce qu'on perd forcément de sa radicalité en négociant, entre guillemets, avec l'État. À partir du moment où on a des subventions, on doit dessiner un projet qui ressemble un peu à son profil. Donc on est coincé, on perd sa radicalité. D'autres qui disent, mais de toute façon, la radicalité, on la perd sur le temps parce qu'on s'installe dans son confort. Donc il y a des problèmes. Donc en fait, on s'aperçoit que toutes ces questions-là sont posées, qu'on soit dans les Alpes-Maritimes, dans un squat parisien, il y a un peu cette même problématique, quoi, qui ressort. Et donc y en a qui disent, bon bah voilà, alors peut-être que l'une des solutions, c'est de pas demander des subventions de façon isolée, mais de demander des subventions collectivement, ce qui permet aussi de créer un rapport de force. Donc en fait la question, c'est le rapport de force. Et donc finalement, pour conclure, les gens reviennent toujours là, c'est-à-dire que subvention ou pas subvention, La vraie question, c'est cette capacité à créer un rapport de force. Parce que sans subvention ou avec subvention, on peut ne créer aucun rapport de force en réalité, sachant que la question de la lutte, de la récupération du territoire ou de la construction d'une autonomie ou d'alternative ou de la défense, et puis finalement de lutter contre des expulsions, donc expulsion des sans-papiers, expulsion sur des territoires de, ou pas sans-papiers, de paysans, et de, etc. partout. Donc voilà, donc ça c'est la solution, il y a un moment, l'une des seules solutions, c'est effectivement de créer du lien. Et quand on crée un projet autonome, tout le monde revendiquait la nécessité et même le... Et, enfin, la nécessité de créer du lien avec l'extérieur, avec ce qui nous entoure, et même comme étant cette capacité à créer du lien, la capacité à pérenniser un projet. Donc je pense que c'était assez intéressant de voir que toutes ces problématiques urbaines ou pas, ville, campagne, qui en réalité la division ville, campagne sert les pouvoirs pour un peu mieux fragmenter, segmenter, etc. Je pense que c'était important, enfin que cette réunion a montré qu'en fait on était absolument dans les mêmes problématiques, qu'on soit en ville et en campagne, et que les difficultés sont forcément différentes, mais on ne peut pas en mettre une plus en avant que l'autre. Là, il n'y a pas de hiérarchie et hiérarchisation possible. Bon, alors, on fait une petite lutte. Bah, allons-y pour la lutte. Non, une petite pause musicale avant de finir pour ces dernières quelques petites minutes qu'il nous reste ensemble. Alors, la petite pause. Celeste, porque aunque la vida me cueste, llorona, cuerno que no hace ruido, llorona, y es más grande su pesar. Negro llorona, negro pero cariñoso. Todo me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Porque aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Porque aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Voilà, on termine, il ne nous reste plus que quelques minutes. Donc voilà, pour vous dire que le 16 et 17, il y aura une rencontre avec les collectifs du Chiapas d'Europe. Et l'après-midi, on essaiera justement de la consacrer à eh ben, le lien entre les luttes ici, là-bas, entre nous en Europe, ici en France, en région parisienne, etc. Donc tout à l'heure, j'ai tourné un petit peu en boucle, mais bon, c'était pour vous dire que voilà, il y avait ce processus qui était en marche et qui se faisait petit à petit. On me l'a dit hein, que je tourne en boucle. Donc voilà, donc on se retrouve le troisième lundi du mois de janvier. D'ici là, bah, amusez-vous bien. Je laisse la parole pour finir à Espoir Chiapas, mais je vous rappelle avant que donc on se réunit le CSPCL tous les mercredis à 20h30, 33 rue des Vignoles, que nous avons des petites coordonnées, donc c'est cspcl.ouvaton.org. Et donc il y a aussi ceux qui ont l'habitude d'acheter du café, n'oubliez pas qu'il y a les souscriptions jusqu'au 31 décembre. Donc, vous pouvez envoyer votre chèque au 21 Terre rue Voltaire en l'adressant à Échange Solidaire, au pluriel. Et donc, les paquets de café sont à 3,20 € et donc c'est un minimum de 5. Ça nous permet le fait qu'on fasse en pré-vente ce café permet de payer les producteurs à l'avance. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez donc adresser ce courrier au Échange Solidaire 21 Terre rue Voltaire dans le 11e à Paris. Donc, on remercie les copains d'Espoir Chiapas et pour vous, les dernières minutes de la fin, avant notre hymne Zapatiste qui clôt notre émission. Wow. Alors, tout simplement, les coordonnées d'Espoir Chiapas, que vous pouvez trouver sur Internet au www.espoirchiapas.com. Et puis, surtout, au nom d'Espoir Chiapas, je tiens à remercier le CSPCLL, le comité de soutien des peuples du Chiapas en lutte, de nous avoir accueillis pour cette émission aujourd'hui. Et puis aussi pour collaborer sur le rassemblement que nous organisons donc demain, au carrefour de la rue des Martyrs et du boulevard de Clichy, donc à 20h30, en hommage aux victimes du massacre d'Actéal, les 12 ans de ce massacre, et pour dénoncer l'escalade des répressions et des agressions à l'encontre de tous les peuples indigènes du Chiapas. Donc c'est à ce carrefour, et on peut dire qu'à ce carrefour des chemins. Demain, 20h30. Demain, 20h30, et au carrefour des chemins, les luttes continuent. Ben, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir été présents, et puis merci aux techniciens, Pablo, Gaël, Magali aussi, qui est en train d'apprendre hein, les techniques, parce qu'on a souvent besoin de techniciens, aussi de gens de l'autre côté de la table. Et donc, on finit sur l'hymne Zapatiste. Merci à tous. À plus tard. Au revoir.